à ton monde pour cet amour qui vient de toi. Je voudrais que chaque seconde ne m'éloigne jamais de toi, jamais de toi. Aussi vrai